chanter la música. Fini les la music, que en diuen. Hola, la music amb Rafael Corbí. El vostre programa de música en francès obre les portes a partir d'ara mateix, avui amb un dels nostres programes resum, programes eclèctics en els quals en diferents artistes, generacions i maneres de veure la música es donen de la mà per conduir-nos durant gairebé 60 minuts amb un projecte de música, aquest que és la música en francès. I començant amb aquesta magnífica intèrpret que l'hem tingut ja destacada amb algun programa, la cantant bretona Nolwenn Leroy, amb Combat per la pau. À vivre et dormir dans les flammes, on brûle et l'on devient infernal. Le mal prend d'autres visages, on sait qu'il fait plus chaud. Que le diable et tous ses sbires ont changé d'oripeau. Tu crains la force obscure, deviens un héros sans armure et sans haine. Cançons del programa d'avui que acabem d'escoltar amb tots els nostres oients, en la bona música, el bon ritme d'aquesta magnífica intèrpret bretona que ja ens ha acompanyat a més el programa, i més que ho farà perquè la seva música és excepcional. Hola, la music, seguim i ho farem ara amb Vauvril, la tàctica del gendarme. Escoltem aquesta cançó que ens arribava des de l'antologia de la cançó enregistrada francesa de l'any 1949. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout.

toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi. Je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi era la cançó que ens aportava aquesta intèrpreta que acabem d'escoltar, la Vicky, nascuda amb un nom grec. Va néixer a Corfú, Vasiliki Papatanasiou, més o menys aquest era el seu nom. Va representar a Luxemburg a Eurovisió l'any 1972. Ell havia nascut el 1949, cantant de pop, de folk, i que va debutar l'any 1965. Vicky Landros, música de varietat, amb una expressió francesa, però també alemana, anglesa, holandesa o japonesa. Ja veieu tot el que ha fet, un artista molt popular a Grècia, a Xipre i tot també als països de parles germàniques. Després de la Vicky, doncs, seguim amb Christoph Willem amb Intemporal. Je me sens si fragile. Ont-ils oublié que demain ils devraient courir dans la vie? Et je cherche en vain un moyen de rendre mes pas utiles. J'aperçois l'ombre d'une fille, je baisse un peu les yeux. D'un coup de main habile remet en place mes cheveux. Quelque chose me dit qu'elle me veut. Nos regards ne cessent de se croiser. Encore et encore, les enceintes sans se lasser répètent toujours les mêmes vers. danser jusqu'à ce que le temps soit mort. Ne nous arrêtons pas. Ce qui se passe entre toi et moi a un côté intemporel, éternel. Est-ce la chance ou le destin qui a réuni nos chemins? Peu importe, car je sais qu'à 2h du matin, notre histoire et ma vie sont sans lendemain. Les BPM s'accélèrent et vont maintenant à toute allure. Ses yeux me foudroient comme éclair. Ses lèvres ont un goût de futur. Et les enceintes vont-ils faire trembler les murs? Ne nous arrêtons pas. Ce qui se passe entre toi et moi a un côté intemporel. Dehors les étoiles brillent dans le ciel. Je lui dis tu es si belle. Et nos baisers sont éternels. Je veux te voler ton visage et que tu ne changes plus d'âge. Ne plus jamais être infidèle avant que le jour ne m'appelle. Et que mon nom Bé, doncs, després d'aquesta cançó, seguim amb música actual, música contemporània i música en francès, que ens aporten dos dels temes més destacats a començaments de 2019 a les llistes de música popular francesa. La primera d'elles ens la portarà l'Angel, amb una col·laboració amb Romeo Elvis des del seu album Brawl, que va ser publicat el 2018. Aquest senzill de molt d'èxit és Tout oublié. Com sempre, escoltant el nostre espai, a Olala Music amb Rafael Corbí, recordeu que aquest és el vostre programa de música en francès. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux je le. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.

mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. La música i la companyia excepcional d'Eddie De Preto, que ens portava aquest tema Kid, que com deia l'Àngel, era el 2017, l'àlbum es va publicar al cor una mica després, el 2018, i així ens ha acompanyat aquesta cançó. Seguirem d'aquí uns moments a l'actualitat, però ara vull que escoltem també el tema Je suis Charlie de Soan, des de l'àlbum Retour Vivre, que ens va publicar el 2016. Je suis Charlie, tiens, moi aussi. C'est vachement bien quand est-ce qu'on mange. On a ri avec ton père quand George a brûlé le Coran. Même Lénine voulait chanter Lennon. Manquait le la de la Gibson. Il y a des cocktails qui parfois m'agressent comme un quart de rhum, trois quarts de CRS. C'est quoi ce bordel? On défile, on filera. Pour Charlie de la République à pogrom, le sang par terre du Nigeria se défile pas. Je suis Charlie sans amalgame. J'ai même liké la page d'un noir, d'un rabbin, de trois imams, histoire de n'avoir pas d'histoire. Même Lennon voulait chanter Lénine à la Texano Machine Gun. Il y a des cocktails qui parfois m'agressent comme un quart de rhum, trois quarts de CRS. C'est quoi ce bordel? On défile, on filera. Pour Charlie de la République à pogrom. Il y a des cocktails qui parfois m'agressent comme un quart de rhum, trois quarts de CRS. C'est quoi ce bordel? On défile, on filera. Pour Charlie de la République à pogrom, le sang par terre du Nigeria se défile pas. Et que j'aime le plaisir.

Jo crec que parla de Barcelona, de veritat, eh? François Valéry amb Xelola, aquesta cançó que ens acostava també a través del nostre espai, Els Indispensables, era un disc que es va publicar l'any 2001 i que nosaltres avui hem recollit. Estem a la recta final d'Olala Music, el programa de música en francès. Amb els darrers programes, amb alguns d'ells, no tots, hem gaudit de la música d'una formació africana excepcional, que ens va descobrir el nostre col·laborador Cyril Torres temps enrere. Amb el programa número 72 havíem escoltat la seva música i avui, doncs, ja que fem un resum de diversos d'ells, hi tornem. L'Argent apel l'Argent és un tema de Vison a Vison. Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef. Vison a Vison dans la famille, on a tout F. Bref, j'encaisse puisque j'entreprends vaut de l'or. On m'a nommé ministre du sport. Continuons à jouer au foot sur les terres. Laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères. Fier car esprit sportif règne sur les terrains. La corruption a fait de moi le ministre le plus malin. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse. Mongo est comme un mongo. Le temps est si bref, juste dans la peau d'un chef. On m'a nommé, je joue fidélité à ma patrie. Pour le développement de mon pays qui sombrait dans la décadence. Faites-moi confiance, je jure de me bourrer la poche. On lui a dit, monsieur le ministre, on vous confie un portefeuille. J'ai reculé d'un pas et là j'ai dit faut que je le recueille. L'aménagement du territoire, changer vos paysages. On dort très bien dans nos villages, moi. L'argent appelle l'argent. Rien du bénéf, je laisse rien dans la caisse. Mongo est convainc à Mongo. Le temps est si bref dans la peau d'un chien. Le rhinocéros, le boss, président chef des armées aimées. Malonga, Pamba, Passy, premier. Complice et ma famille, tant pis, empire le pays. Le doyen qu'on respecte, ma milice coupe des têtes. Puis je négocie ce qui vaut 100, j'en dis, je prends le pognon. Garde rapproché, fétiche, peuple fauché. Faut te reprocher, ma démocratie a chié. Allez pour moi, t'as vu rouge, que le peuple bouge. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, j'encaisse et je laisse rien dans la caisse. En bref, le temps est si bref, dans la peau d'un chef. Benji à la tête du siège de la classe économique. J'organise, je répartis, je compte la thune, je gère le fric. Je suis le responsable des richesses du pays. Maintenant tu sais qui gère les entrées et les sorties. Non, je n'oublie pas quand il Thérèse et mon petit neveu Blaise. Que je mets à l'aise en règle congolaise. Tant qu'à faire, autant sortir mes frères de la demeure. Le temps passe vite dans la peau d'un chef, donc j'assure mes arrières. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse. Mongo est convainc à Mongo. Le temps est si bref, dans la peau d'un chef. Je suis la plus grosse robe car la terre n'est jamais portée. Dévaluée, surévaluée, escortée par un escroc salué. Tali évalué, mon poisson de marché. J'ai comparé un pygmée à un géant. Je suis archi-gris, marché, ou business d'état. Je passe de main en main et d'état Beretta. Ou PMA, putain couvert de sang dans l'état. À qui je profite, mon pote au chef Afrique et UNICEF, je suis dans la peau du CFA. L'argent appelle l'argent. Ouais, je suis le bénéf, je suis le bénéf. Pour moi les négros se blessent. Mongo est convainc à Mongo. Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef. Le ministre de la justice. Et le programme est strict. Entasser des malfrats dans les prisons. Même s'il n'y a plus de place, la pendaison. Du pain sec, de l'eau et des coups de bâton. La sentence en fera perdre la raison. Nanana. Pour le condamner, pas de sursis que des peines considérables. Pas moins de 3 mois pour survivre dans cette étable. L'argent appelle l'argent. Les bénéfices, moi j'encaisse. Je laisse rien dans la caisse. Mongo est convainc à Mongo. Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef. Dans mes poches, Bongo Zajingi, Lusingi, Mounsongi. Sorti du Bisona, Biso, gouvernement Bongi. Je danse le Ndombolo, je fais Ngolongolo. Quand j'arrive, les mystiques ministre de la pêche et de la pisciculture. J'ai trouvé un bon jazz pour mes affaires, j'ai une couverture. Chez moi c'est comme le poisson salé, les factures sont salées. Et avec mes amis on est haut placé. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, j'encaisse, je laisse rien dans la caisse. Mongo est convainc à Mongo. Le temps est si bref dans la peau d'un chef. Doncs aquests eren ells també protagonistes indubtables amb el nostre programa. I un altre dels artistes que també han repassat en de valent amb el nostre espai i amb la seva música és Zaz, de ben segur que tornarà a ser protagonista en més d'un dels nostres espais. Avui la volem recordar a les Zaz des del Recto Verso, el seu disc del 2013. La cançó es deia No Devo. L'escoltem també, com no, amb aquesta recta final ja del nostre espai. Estàs escoltant Olala Music, la teva programació en francès. Qu'on ralentit, ça déraille et puis on a les mains pleines de cambris. Qui dit tant pis, le vernis s'écaille et fini, c'est fini. cisaille et la pluie. On patauge dans la bouillie. Qui dit qu'on est maudit, que la vie tiraille ici, ici. Qui dit qu'on ralentit, ça déraille et puis. Un peu quand soulève un peu nos rêves au-dessus des toits. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se déroient jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout. Doncs res, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí perquè m'ha arribat fins l'última de les cançons del nostre programa per al dia d'avui. He fet un recull amb aquestes 16 cançons que haurem escoltat amb el programa d'avui. La setmana que ve hi tornem, si voleu estar al nostre costat. Això ha estat Hola La Music, el programa de música en francès d'aquesta emissora que us porta des de Palafrugell, Rafael Corbí. Armengo, amb una cançó que ens parla de la dona quan té 40 anys. Sí, ho entenc bé. Serà fins la propera. A reveure. A tissé de magie, roué de son charme pour habiller nos nuits. Maîtriser le feu. jour de l'arc-en-ciel. Un soir debout des flammes, infiniment trop belle. I'm gonna